Yeah, nous piensa, no matter massive, LB and Woods. C'est la putain de relève, mon gars. Real hip hop shit. Dans ta face, cypher type. On s'arrête pas, on continue. Soulé, unité. Tu sais bien que l'union fait la force, frangin. Encore une fois. Hey yo, LB, let them know. Toujours actif, le microphone tranche. Radioactif, il se relève les manches. Aujourd'hui il se prépare pour faire part de ses pensées. Mentalement se sépare, ses mots se gardent, ses lancers. Car quelques lettres forment un ensemble de syllabes. Avec quelques sons pour qu'un minimum d'ambiance s'installe. Leur Gigi à l'écart, la machine agit sans égard. La magie régit notre arc, à nos rythmes propulse. Même si la philosophie que je te prescris est juste investie. Ce qui se positionne sur le microphone et qui vient, qui part sur ce style. Je m'agrippe et je parle art de mon vocalisme. Assiste à mon style lyrique si je sais du récolte. Tu n'auras pas de bénéfice, mais on souhaite mais ces vies sont pour toi fils. Je persiste, faut pas que t'assises, car à toi y'a des risques sans indice MC. Où sont gelotes et sentines avant maman? Rime-moi, y'a t'es gagné film bâti, y'a combattu qu'à vie en grand. Hey yo, single lingo, got you moving like a Jenga. What's with the finger lingering inside your pamper? You lost in translation, I'm aligned like a metro line. World circus, bitch, bogus, one leader should rush to detox. Walk the earth vertical, immersed in blue gold. Hear my art come in 2012, trust wise a must. See my engines runs with three quarter water filled with biodiesel, words a leader, brutal. Facts for the people. On this coast to coast, we got the endless flows. Driving it safe, living it quick, we're sticking in it. Nobody's coming close. Haters on the show, they did a thing. Yeah. Montrer même gens, c'est que toi nous reste un coup de silicone ou ton tête conne. C'est pas le crash en bas carbone. Pas réveillé, Vox en bout. Ça qui vaut là, c'est pour vous. Ma prio coupe pas des cuisses au microphone, nous sont calalou. Météo sous garde à vous. L'OM, fait un coup, pas OM. Sous patin, on vit un problème ou blême. Quoi prétendre son paillé, dans ton cou émaillé. Reconnaître, côtoyer, pas le gars. Mi yes, mi no have no time for talk. Mi prepare, so mi get them divide, my world switch to road. Nah. My name is Jack Walker, world is Walker. Just take your pencil, keep riding until the sun rises. Was born with the rap, back to back I'm trapped. Like I'm feeling nice, they say they like an FMA. Supposed to be fresher, music is a gold digger. I'm supposed to be sicker, microphone checker. Promo solo, oh no, I'm filamento, I'm so. Flash, spotlight sur ta face. Blast le message, tâche de ménager. Mâche pas tes mots, taf. Fais tes devoirs, bonhomme, l'histoire t'a pas vu passer. L'humilité qu'on soit pour durer, va falloir te tasser. Lassé, mic dans la main, effet de magicien. On crée le tout, le rien dans le souterrain. Fais notre bout de chemin. Tu ne peux pas censurer avant de t'aventurer. Pense deux fois à ta vocation comme l'a fait ton curé. On this coast to coast, we got the endless flow. Driving it safe, living it quick, we're sticking in it. Nobody's coming close. Haters always show they did a thing, it's not so good. I got easy breezy, cover girl steezy. See me meanie, watch you swerve sweetie. Don't like greedy, for sure ain't needy. Rhyme books feed me, beats they please me. Seen these rude boys act real sleazy. Mac like cheesy. Do this often, like a ragamuffin, Ragadovsky, off the hizzy out the coffin, rip off the chain, get off the train on purpose, when I tune off the beat go, I missed the mark off by this much, I didn't choke, thought provoke, cleared by focos, break bread with a bunch of nomadicos, the massive music in my heart like an artichoke. Vocabulario tipo vicioso, verbos activos, ese chico vivo conocido por su buen oído, expresivo más distinto que lo típico, dejando conjuntos destruidos y yo le persigo. Dale chico, da rico que se vuelven adictos. Menos esos machitos incapaz de pensar sin su pito. Pero si te llega complicado te lo explico. Busta te mata el baile en Buenos Aires con paso fijo. On this coast to coast, we got the endless flows. Driving it safe, living it quick, we're sticking in it. Nobody's coming close. Haters always show, they didn't think it was not so good.